En éternise étoile qui a brillé dans le ciel. En unique à faire vibrer même si ou tout seul. Pas sans ça, bon Dieu, la happy. Étoile qui a brillé dans le ciel, oui, sa belle.